إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها المسلمون والمسلمات، تفرد الله عز وجل بالرزق والعطاء والمنع وكل ما يجري في هذا الكون بقضائه وقدره، فإذا قدر لعبد رزقا فسيصله ولا يدفعه كراهية كاره ولا حرص حريص. فكم من إنسان حسده الناس وحاولوا منع رزق الله عنه فلم يستطيعوا إلى ذلك سبيلا. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام الترمذي في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فمن تحقق ذلك لم يحمد الناس على رزق الله، ولم يذم الخلق على ما لم يؤته الله، بل يفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه. فكل شيء أيها المسلمون والمسلمات بقضاء الله وقدره. قال تعالى: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. من علم أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله عز وجل، وأنه هو الذي يرزق بسبب وبلا سبب ومن حيث لا يحتسب، لم يمدح مخلوقا على رزق ولم يذمه على منع، ويفوض أمره إلى الله ويعتمد عليه في أمر دينه ودنياه ويسلم قلبه له. وقد بايع جماعة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يسأل الناس شيئا، ولم يبح إلا لضرورة، محافظة على كمال الحب لله وإخلاص التوكل عليه. Chers musulmans et musulmanes, sachez qu'Allah subhanahu wa ta'ala est le seul qui détient la pourvoyance. C'est le seul qui a le pouvoir, azza wa jal, de donner une chose et de priver de celle-ci. Et tout ce qui a lieu dans cet univers a lieu par la volonté et la prédestination d'Allah azza wa jal. Si Allah azza wa jal t'a prédestiné... Si Allah Azza wa Jalla a prédestiné une pourvoyance à l'un de ses serviteurs, celle-ci lui parviendra. Nul ne saura la repousser. Et combien de personnes ont été jalousées par d'autres personnes et ont essayé de le priver de la pourvoyance d'Allah Azza wa Jalla, et ils n'ont trouvé aucune issue à cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans le hadith authentique: « Et sache que si la communauté entière se réunissait pour t'apporter un bien, il ne pourrait t'apporter que le bien qu'Allah t'a écrit. Et s'il se réunissait pour te porter préjudice, il ne saurait te porter préjudice que sur une chose qu'Allah a déjà prédestinée contre toi. » Ainsi, celui qui prend en compte cela, celui qui met en pratique le tawhid comme il se doit, Et celui qui sait pertinemment que le seul pourvoyeur est Allah Azzawajal, eh bien il ne remercie pas les gens uniquement lorsqu'il a une pourvoyance. De même qu'il ne fait pas de reproche aux gens lorsqu'il est privé d'un bien, mais il s'en remet à Allah Azzawajal dans tous les cas et s'en remet à son Seigneur dans les choses de cette vie d'ici-bas et de l'au-delà. Toute chose a lieu par la prédestination et le décret d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il dit à Azzawajal, ce qu'Allah accorde en miséricorde aux gens, il n'est personne qui puisse le retenir. Et ce qu'il retient, il n'est personne qui puisse le dispenser. C'est lui, le Tout-Puissant et le Tout-Sage. Ainsi, celui qui sait qu'Allah Azzawajal est le seul qui donne, c'est le seul qui prive, subhanahu wa ta'ala, c'est le seul qui donne la pourvoyance, que tu aies fait une cause pour l'avoir, ou que tu n'aies pas fait de cause, de même que Allah Azzawajal te donne la pourvoyance, même lorsque celle-ci n'est pas mesurée. Si tu sais cela, tu ne remercieras pas uniquement les gens lorsqu'une chose te parvient, de même que tu ne feras pas de réprimande aux gens lorsqu'une chose t'est privée. Et sachez que les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont fait le pacte d'allégeance au prophète alayhi salatu wa sallam de ne rien demander aux gens, de ne pas tendre la main, de ne pas faire la mendicité. Et ceci, c'est-à-dire la mendicité, n'est autorisée que dans les cas de force majeure. Ceci pour préserver l'amour que l'on a vis-à-vis d'Allah. Et ceci pour mettre en pratique la confiance que l'on place en lui, subhanahu wa ta'ala. ثم اعلموا أيها المسلمون أن لضعف الإيمان علامات أن ترضي الناس بسخط الله فتؤثر رضا الناس من أب أو أم أو نحوهما بما يسخط الله فتوافقهم على فعل المعاصي خوفا منهم أو رجاء لما عندهم وذلك لأنه لم يقم بالقلب تعظيم الله وإجلاله فآثر رضا المخلوق على رضا الخالق ومن علامات ضعف الإيمان أن تحمدهم على رزق الله فتشكر الناس إذا أعطوك شيئا وتنسى الله جل وعلا فالله سبحانه وتعالى هو المعطي وهو المتفضل في الحقيقة فالواجب أن يكون القلب معلقا بالله حامدا له فالناس سبب والمسبب هو الله المتفرد بالرزق ولا ينافي ذلك شكر الناس بالدعاء أو المال لكون الله ساق رزقك على أيديهم فصاروا سببا في إيصال المعروف كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح من صنع إليكم معروفا فكافئوه أي أحسنوا إليه مثل ما أحسن إليكم ومن علامات ضعف الإيمان أن تذم الناس على ما لم يؤتك الله فتذم الناس لأنهم منعوك شيئا لم يقدره الله لك على أيديهم ولو قدره الله لك لساقه إليك ولكن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. Et sachez que fait partie des signes qui laissent déceler une baisse de la foi, c'est le fait de vouloir satisfaire les gens en provoquant la colère d'Allah, de faire précéder la satisfaction des gens, que ce soit ton père, ta mère, ou autre personne, de les satisfaire en désobéissant et en provoquant la colère d'Allah Azzawajal, en obéissant à des créatures et en commettant des péchés de la désobéissance, de peur de ces créatures, ou de désobéir à Allah en espérant ce qu'il y a chez ces créatures. Et ceci ne peut émaner que de celui qui dans le cœur Cela ne peut émaner que de celui dont le cœur n'est pas plein de l'immensification d'Allah Azzawajal et de sa crainte. Il a alors fait précéder la satisfaction des créatures devant la satisfaction du Créateur. Fait partie également des signes qui laissent présager une baisse de la foi. Le fait de remercier les gens uniquement lorsque il te donne une chose, de remercier les gens uniquement et d'oublier Allah subhanahu wa ta'ala, qui est celui qui donne, qui est celui qui réellement t'a accordé cette chose. Il est donc obligatoire pour chaque musulman et musulmane que le cœur soit attaché à Allah, que tu sois reconnaissant envers ton Seigneur, subhanahu wa ta'ala, car les gens ne sont qu'une cause. Celui qui provoque cette cause, c'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et cela ne contredit en aucun cas le fait d'être reconnaissant envers les gens, en invoquant leur faveur, ou même en étant reconnaissant vis-à-vis d'eux, en leur donnant de l'argent, car cela, c'est-à-dire ces personnes, sont considérées comme un but, comme un moyen à travers lequel Allah Azzawajal t'a fait parvenir ta pourvoyance. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous encourage à être bienfaisant envers ceux qui font du bien. Il dit sallallahu alayhi wa sallam, celui qui vous fait un bien, soyez bienfaisant envers lui. Et il dit aussi sallallahu alayhi wa sallam dans notre hadith, celui qui ne remercie pas les gens n'a pas remercié Allah. Et fait partie également des signes qui montrent la faiblesse de la foi, c'est le fait de condamner les gens lorsqu'ils ne te donnent pas une chose. De condamner les gens lorsqu'ils t'ont privé d'une chose qu'Allah Azzawajal ne t'a pas prédestiné. Et si Allah te l'avait prédestiné, eh bien celle-ci te serait parvenue. Car ce qu'Allah décide est, et ce qu'il ne veut pas n'est pas. ثم علموا أيها المسلمون أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كما في حديث عائشة رضي الله عنها قال من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس إذا طلب العبد رضا ربه بنية صادقة فسعى إلى فعل الطاعات واجتناب المحرمات وإن غضب عليه الناس فإن الثمرة والنتيجة لتقديم رضا الله على رضا الناس عظيمة فإن الله يرضى عنه فهو سبحانه وتعالى أكرم الأكرمين وهذه نعمة جليلة ثم إن الله عز وجل يرضي عنه الناس وذلك من بما يلقي في قلوبهم من الرضا عنه ومحبته قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا أما من طلب رضا الناس بسخط الله فوافقهم على ترك الطاعات وفعل المحرمات فإن الله يعاقبه بأمرين أما الأمر الأول أن الله عز وجل يسخط عليه في الدنيا والآخرة وذلك هو الخسران المبين أما الأمر الثاني أن الله عز وجل يسخط عليه الناس وذلك بذمهم وأذيتهم له فيجب على المسلم أن يعلم أن العاقبة الحميدة في الدنيا والآخرة لمن طلب رضا الخالق وحده سبحانه وإن أسخط المخلوقين والعاقبة السيئة في الدنيا والآخرة لمن طلب رضا المخلوقين بسخط الخالق سبحانه وتعالى فعلى المسلم السعي فيما يرضي الله عز وجل سواء سخط المخلوق أم رضي سنو عائشة رضي الله عنها Elle rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit celui qui recherche l'agrément d'Allah par le courroux des gens, Allah sera satisfait de lui et fera en sorte que les gens également soient satisfaits de lui. Et celui qui recherche la satisfaction des gens à travers la colère d'Allah Azza wa Jal, Allah sera courroucé sur lui et il fera en sorte que les gens soit courroucé contre lui. Ainsi, lorsque le serviteur demande la satisfaction d'Allah Azzawajal avec une intention sincère et accomplit les obligations et délaisse les interdits, même si les gens sont énervés et sont mécontents de lui, eh bien, le fruit d'avoir fait précéder la satisfaction d'Allah devant la satisfaction des gens est un fruit immense. Quel est ce fruit? Il l'acquiert et Allah Azzawajal lui donne sa satisfaction. Allah Azzawajal qui est le plus généreux des généreux, et ceci est un immense bienfait. Puis Allah Azzawajal fera en sorte que les gens qui au début étaient courroucés contre lui, eh bien seront finalement satisfaits de lui. Car Allah Azzawajal fera en sorte que l'amour de cette personne pénètre les cœurs de ceux qui auparavant le détestaient. Comme l'a dit Allah Azzawajal dans Surat Maryam le verset 96, « Ceux qui ont cru et qui font de bonnes œuvres, le tout miséricordieux leur accordera son amour. » Quant à celui qui recherche la satisfaction des gens par la colère d'Allah, en commettant des interdits et en délaissant des obligations, Allah Azzawajal le châtiera par deux choses. La première, qui n'est pas des moindres, Allah Azzawajal sera courroucé contre lui dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Et cela est la perte manifeste. Quant à la deuxième chose, à travers laquelle Allah Azzawajal le punira, il fera en sorte que les gens soient courroucés contre lui et que les gens les détestent, ceux qui auparavant l'aimaient parce qu'il a désobéi à Allah Azzawajal. Allah Azzawajal fera en sorte que ces mêmes personnes le détestent par la suite. Ainsi, il est demandé aux musulmans de savoir que la bonne finalité dans la vie d'ici-bas et dans l'au-delà est pour celui qui recherche la satisfaction d'Allah Azzawajal et fait précéder cette satisfaction devant le courroux des gens, et que la mauvaise fin appartient à celui qui a fait précéder la satisfaction des gens, la satisfaction des créatures devant la satisfaction du Créateur. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد ثم اعلموا أن من أسباب حصول الخوف والخشية من الله أمور منها تذكر عظمة الله وجلاله وأنه شديد العقاب عزيز ذو انتقام لمن عصاه وخاف وخالف أمره، وكذلك تذكر الأهوال التي أمام العبد من الموت وسكراته والقبر وظلمته والقيامة وأهوالها، وكذلك الدعاء والالتجاء إلى الله عز وجل. وقد كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك. فإن القلب إذا امتلأ بالخوف والمهابة والإجلال لله عز وجل أحجمت الأعضاء عن ارتكاب المعاصي. Puis sachez, chers musulmans et musulmanes, qu'il y a des moyens qui permettent aux musulmans et aux musulmanes d'avoir peur d'Allah عز وجل, de le craindre et de le redouter. Le premier de ces moyens est bien sûr le fait de méditer et de se rappeler l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'Allah azawajal est plus grand que toute chose. Que Allah azawajal est plus grand que cette terre, que cet univers. Est plus grand que ce système solaire. Nous qui sommes des atomes dans cette planète Terre. Sachez que cette planète Terre est un grain infime lorsqu'elle est comparée à l'univers. Et Allah Azzawajal est plus grand que cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a parlé du repose-pied d'Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit que le repose-pied comparé au trône d'Allah Azzawajal est comparable à un anneau jeté dans un désert. Et le trône est bien plus grand que cela. Et le repose-pied, comme l'a dit Allah Azzawajal, est plus vaste que les cieux et la terre. Le repose-pied est plus vaste que les cieux et la terre. Et le trône est encore plus vaste et plus immense que cela. Et Allah Azzawajal est bien plus immense que tout cela. Celui donc qui se rappelle et médite sur l'immensité d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela ne peut que remplir son cœur de crainte et de peur de son Seigneur subhanahu wa ta'ala, et de savoir qu'Allah Azzawajal est dur en châtiment, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala réprimande celui qui lui désobéit. De même que ce qui permet de craindre Allah subhanahu wa ta'ala est le fait de se rappeler ce qui attend chacun d'entre nous après la mort. Après la mort, la tombe et ses ténèbres, le jour du jugement et les étapes effroyables que le musulman, que les êtres humains devront traverser, de même que ce qui permet de craindre Allah et de le redouter, c'est de demander à Allah Azzawajal, d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il disait, « Oh Allah, donne-moi de ta crainte ce qui permettra d'être un obstacle entre moi et ta désobéissance. » فَإِنَّ الْقَلْبَ إِذَا امْتَلَأَ بِالْخَوْفِ وَالْمَهَابَةِ وَالْإِجْلَالِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلْ أَحْجَمَتِ الْأَعْضَاءُ عَنْ ارْتِكَابِ الْمَعَاصِي وَمِمَّا يُعِينُ عَلَى حُصُولِ الْخَوْفِ مَعْرِفَةُ آثَارِ الذُّنُوبِ الْوَخِيمَةِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ الْخَوْفُ مِنَ الْجَزَاءِ وَتَذَكُّرُ أَنَّهَا سَبَبٌ في نزع البركات وحلول العقوبات وفي قراءة كتاب الله عز وجل وتدبر آياته عظة وعبرة مع التزود بالعلم الشرعي وقد وصف الله عز وجل العلماء بقوله إنما يخشى الله من عباده العلماء. Et ce qui aide également à craindre et à redouter Allah subhanahu wa ta'ala, cette peur qui, lorsqu'elle pénètre le cœur, fait en sorte que les membres du corps s'abstiennent de commettre quelconque désobéissance. Ce qui aide à craindre Allah Azzawajal, c'est le fait de connaître les effets néfastes des péchés dans cette vie d'ici-bas et dans l'au-delà. Tout d'abord, les péchés, lorsque tu les commets, tu dois craindre le châtiment d'Allah Azzawajal. Et tu dois savoir qu'en commettant un péché, minime soit-il, qu'il y a dans cela des conséquences néfastes. Cela prive de la bénédiction et cela fait abattre sur les gens le châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala dans cette vie d'ici-bas avant l'au-delà. Sans oublier bien sûr la lecture du livre d'Allah, la méditation de ses versets. Il y a dans cela, ainsi que dans le fait de se prémunir et de rechercher la science religieuse, un moyen plus que profitable pour que le cœur redoute son Seigneur. Car Allah Azzawajal a caractérisé les savants, ceux à qui Allah Azzawajal a accordé la science du Coran et de la Sunna. Allah Azzawajal les a caractérisés en disant « Ne crains véritablement Allah parmi ses serviteurs que les savants. » Sallallahu Azza wa Jal. أن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين وأن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك اللهم أعن إخواننا في سوريا اللهم كن لهم اللهم فرج عليهم اللهم عليك بأعدائك وأعدائهم اللهم عليك بأعدائهم اللهم أرنا في أعدائهم عجائب قدرتك يا قوي يا عزيز وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.